L'imprévu. Harpagon, qui veillait son père agonisant, se dit, rêveur, devant ses lèvres déjà blanches. Nous avons au grenier un nombre suffisant, ce me semble, de vieilles planches. Célimène roucoule et dit, mon cœur est bon et naturellement, Dieu m'a faite très belle. Son cœur, que racorni, fumé comme un jambon, recuit à la flamme éternelle. Un gazetier fameux, qui se croit un flambeau, dit au pauvre qu'il a noyé dans les ténèbres. Où donc l'aperçois-tu, ce créateur du beau, ce redresseur que tu célèbres? Mieux que tous, je connais certains voluptueux qui baillent nuit et jour, et se lamentent et pleurent, répétant l'impuissant et le fat. Oui! Je veux être vertueux dans une heure. L'horloge, à son tour, dit à voix basse. Il est mûr, le damné. J'avertis en vain la chair infecte. L'homme est aveugle, sourd, fragile comme un mur, qu'habite et que ronge un insecte. Et puis quelqu'un paraît. Que tous avaient nié, mais qui leur dit, railleur et fier, « Dans mon ciboire, vous avez, que je crois, assez communié à la joyeuse messe noire. Chacun de vous m'a fait un temple dans son cœur. Vous avez en secret baisé ma fesse immonde. Reconnaissez Satan à son rire vainqueur, énorme laid comme le monde. Avez-vous donc pu croire, hypocrite, surpris, qu'on se moque du maître, et qu'avec lui l'on triche, et qu'il soit naturel de recevoir deux prix, d'aller au ciel et d'être riche. Il faut que le gibier paie le vieux chasseur qui se morfond longtemps à l'affût de la proie. Je vais vous emporter à travers l'épaisseur, compagnon de ma triste joie, à travers l'épaisseur de la terre et du roc, à travers les amas confus de votre cendre, dans un palais aussi grand que moi, d'un seul bloc, et qui n'est pas de pierre tendre, car il est fait avec l'universel péché, et contient mon orgueil, ma douleur et ma gloire. Cependant, tout en haut de l'univers juché, un ange sonne la victoire, de ceux dont le cœur dit que béni soit ton fouet, Seigneur, que la douleur, ô Père, soit bénie, mon âme dans tes mains n'est pas un vain jouet, et ta prudence est infinie. Le son de la trompette est si délicieux, dans ces noirs solennels de célestes vendanges, qu'il s'infiltre comme une extase dans tous ceux dont elle chante les louanges.